ça pas capable de faire bonheur. Si vous êtes confiant, l'aimé parler au couleur, pas t'as gagné un problème. Si vous êtes en dé, l'aimé dit ou fils, ça pas capable de faire bonheur. Si vous êtes confiant, l'aimé parler au couleur, pas t'as gagné un problème. L'aimé conduit ou fils, ça risque pas de courir dans confiance. Ou te comprendre, moi j'ai le sort que me t'arrive en place. Ou il y a le quitte ou pas qu'on dit ça pour faire. Si vous êtes en train de l'aimer, dit vous, fils, ça pas capable de faire bonheur. Si vous êtes comprendre, l'aimer, parler ou couler, pas de gagner un problème. Si vous êtes en train de l'aimer, dit vous, fils, ça pas capable de faire bonheur. Si vous te comprenez, l'aimer, parler ou couler, pas de gagner un problème. Ou te comprendre, son sang dans le ciel qui te descend, tu joues nous. Les yeux fermés ou apérés, ou pas de quoi ça t'a passé. Ou y a quitté, on y est pas qu'à consoler. Ça vous fait.